Botticelli par Arsène Alexandre. De la résurrection des génies. C'est l'œuvre, la joie et l'honneur des temps successifs de refaire les classements dans les travaux de l'esprit, de détrôner les usurpateurs, de déposer les puissants et d'exalter les humiliés, de rendre à l'adoration de leurs sujets les princes exilés. Le fanatisme classique avait fait reculer dans l'ombre trois des plus grands prédécesseurs de Michel-Ange et de Raphaël, Piero della Francesca, le peintre du calme implacable, de la sérénité fatale, Signorelli de la colère et de la tristesse, Sandro Botticelli, enfin, d'une poésie tour à tour mystique et païenne, éclose du désir et de l'inquiétude. Léonard avait été dispensé de cet exil, étant autre chose. Piero, Signorelli et Sandro n'avaient pu faire école. Leur originalité était trop tranchée. Raphaël et Michel-Ange, au contraire, engendrèrent d'innombrables imitateurs. « Mon art, disait du moins Michel-Ange, ne servira qu'à faire de grands sauts. » Les académies, empressées à entretenir le feu sacré de la servilité, accueillirent tendrement ces homoncules qu'elles croyaient des hommes. Il y avait bien Venise, mais Venise est en Orient. Le libre et radieux XVe siècle devait, comme la Belle au bois dormant, attendre son réveil et ne reparaître dans toute sa fraîcheur qu'au bout de 300 ans. Exception étrange, au XVIe siècle en France, telle svelte création de l'école de Fontainebleau eût pu passer pour petite fille ou plutôt nièce de Botticelli, et les nymphes de notre Jean Goujon sont demi-sœurs de celles qui dansent la Primavera. Au début du XIXe, Ingres entrevoit Florence et ne tarde pas à la renier. Il sera non pas, comme on l'a dit, un Chinois égaré dans Athènes, mais un Florentin manqué, confiné à la porte du Vatican, ou encore le paysan perverti de Raphaël, alors que Delacroix, lui, du moins, est un rejeton éblouissant de la Venise du Nord, en vers. Donc, pendant ces siècles exclusifs, il y eut un renversement singulier des valeurs. On considérait comme créateurs ceux qui n'étaient que des concentrateurs, et comme imparfaits ceux qui avaient tiré d'eux-mêmes tout un monde de jeunesse fleurie. Extase candide de l'Angelico, âcre véhémence et grandeur de Signorelli, sérénité pâle et belle ainsi que celle de la mort chez Piero della Francesca. Enfin, avec Botticelli, volupté nerveuse, sensualité aiguë jusqu'au mysticisme et jusque dans le mysticisme. Fût-ce l'effet d'une évolution de l'esprit critique ou d'une lassitude à l'égard des traditions affadies, un revirement imprévu se produisit au moment et dans le pays d'où on l'aurait le moins attendu. Au pays de Shakespeare, on s'aperçut que les prédécesseurs de Michel-Ange et de Raphaël avaient été enterrés vivants. Nous n'avons pas à étudier ici le mouvement pré-raphaélite. On verrait sans cela que Rossetti, Hunt, Maddox, Brown, Millet, avec leur opiniâtre minutie, leurs intentions moralisatrices, n'ont rien si remarquable qu'ils soient de commun avec l'épanouissement païen, la luxuriance mystique du Quattrocento. Nous leur devons toutefois de la reconnaissance. La vogue, dans ces exagérations, qui sont des formes parfois opportunes de l'ignorance, peut n'être pas inutile aux révisions de l'art et de l'histoire. Vers la fin du XIXe siècle à Paris, l'engouement s'en prit et s'en méprit à Botticelli et fit un moment des femmes, depuis les mondaines jusqu'aux modèles de peintres, autant de poupées primaveresques. Mais la tempête de bonnes intentions, une fois détournée, les hautes figures redécouvertes étaient ressuscitées désormais avec toute leur gravité, leur grâce, leur force, leur génie, en un mot, au grand jour. La salle de Botticelli aux Offices n'a pas maintenant moins de portée dans le domaine de la beauté, ni d'ascendant sur l'esprit humain, que la chambre du Vatican où Raphaël, aidé du Sodoma, a évoqué le Parnasse. C'est ce que s'efforceront de déterminer nos commentaires inspirés de cette idée qu'en présence de telles créations, celui qui en admire tout est celui qui les comprend et ne se trompe jamais, tandis que celui qui trouve à y critiquer est à plaindre. Florence, la magnifique. Sandro di Mariano Filippi, surnommé Botticelli, naît à Florence en 1444. À ce moment, Cosme de Médicis est depuis 10 ans revenu de l'exil, où l'esprit incurablement conspirateur de la cité l'avait momentanément écarté pour ne lui assurer ensuite qu'avec plus d'éclat, sinon plus de raison, le titre de père de la patrie. L'épithète de magnifique qui était un simple titre de protocole dont un contresens de l'histoire a fait une louange et a cru faire un acte de gratitude lorsqu'elle l'a conservé à Laurent de Médicis, serait beaucoup plus justement appliqué à Florence elle-même, à ses artistes et à son peuple qu'à ses princes. Magnifique, en effet, entre toutes, et la ville, à la fois suave et austère, des bâtisseurs tels qu'Arnolfo di Cambio, Giotto, Orcagna, Michelozzo, d'autres, inconnus, mais non moins sublimes, y ont déjà élevé, comme des jalons inébranlables, des édifices sévères et hardis. Brunelleschi est en train d'en achever d'autres, qui joindront à la même noblesse encore plus d'ampleur et une souplesse nouvelle. Magnifique est aussi la réunion des peintres qui, en l'espace du siècle précédent, ont fait éclore sur les murs de ces palais et de ces églises des visions dont la force évocatrice ne sera plus surpassée. Giotto, Masaccio et le bienheureux moine de Fiesole. Des sculpteurs qui ont fait surgir dans les niches, loges ou chapelles des êtres de bronze ou de marbre, d'une fierté surhumaine et pourtant accessible, plus certainement vivant que la vie elle-même. Donatello, Ghiberti, Luca della Robbia. Et tandis que ceux-là ont déjà accompli ou sont en train d'achever leur œuvre, d'autres marchent déjà sur leurs traces. Les uns sont enfants marqués aux yeux d'une race qui s'y connaît, du signe du génie, et d'autres, jeunes hommes, font l'offrande de leur première, ardente, tendre création. Oui, en vérité, c'est lorsque l'on tâche de rassembler en un faisceau les ouvrages et les hommes, quand on compare cette effervescence de floraison avec les calculs, les rivalités, les relatives générosités, la perspicacité accidentelle des puissants qui s'imaginent régner et qui ne font que se maintenir. C'est alors qu'on s'aperçoit combien l'histoire fut servile, car c'est le peuple, la race, les artistes, la ville qu'il faut aborder du titre « Votre magnificence ». En 1464, lorsque meurt Cosme de Médicis, et une demi-douzaine d'années avant que lui succède le dit magnifique Laurent, Botticelli a 20 ans. Quand Botticelli a 20 ans, Fra Angelico est mort seulement depuis 9 ans. L'enfant Sandro a pu l'entrevoir et ressentir de premières et suaves émotions devant le calvaire du réfectoire en ce couvent de Saint-Marc, où plus tard, fanatisé par Savonarole, il fera de son enivrement païen acte de contrition. Il est notoire qu'un grand maître l'a formé. Il est admis qu'un autre a contribué ensuite à cette formation. Enfin, il nous paraît visible qu'un troisième a exercé sur certaines de ses imaginations une sévère influence. Le premier est Filippo Lippi, né 42 ans avant lui et qui pourra, sinon voir ses premières grandes œuvres, du moins suivre encore ses progrès jusqu'à sa 25e année. L'autre serait Antonio Pollaiuolo, qui, n'étant son aîné que de 15 ans, nous semble un bien jeune maître pour un tel et aussi personnel élève de qui la nature n'accuse avec la sienne aucun point de contact. Le troisième, enfin, pour nous, n'est autre que Donatello, le sculpteur des maigreurs sublimes, de qui les Saint-Jean-Baptiste hanteront le peintre jusqu'à le copier d'interprétation. Donatello est mort il y a 2 ans, et ses créations, familières aux Florentins, faisant partie intégrante de leur vie quotidienne, ont toutes été pour l'étudiant, depuis qu'il voit de ses yeux et sent de son cœur, autant de sujets de fécondes inquiétudes. Botticelli a 20 ans. Quelle confidence juvénile a-t-il échangé avec Signorelli, qui est presque son contemporain? L'a-t-il rencontré à l'atelier de Verrocchio, qui est leur aîné à tous deux d'une dizaine d'années? Piero della Francesca, en 1445, avait travaillé à Santa Maria Nuova avec Domenico Veneziano. Botticelli n'a pas pu ne pas connaître cet ouvrage. L'a-t-il admiré? La distance n'est pas bien longue, de Florence à Arezzo, où Piero vient d'achever, en 1464, ses calmes et terribles légendes de la Sainte Croix. Le jeune homme a-t-il entendu célébrer cette œuvre d'un maître qui alors est pour lui un ancêtre, dont il ne peut épouser la vision, ni partager la résignation souveraine? Que de questions obscures, mais aussi que d'exaltantes suppositions, que d'admirables coïncidences. Botticelli a 20 ans. Sa Florence est toujours, et doit être longtemps encore, le frémissement paradoxe de drame et de grâce, de vie agitée dans un décor austère. la ville la plus enfiévrée qui soit, on s'y assassine avec la même ferveur qu'on y prie. Et pourtant la vie la plus sereine et la plus raffinée aussi, dans le silence des ateliers, d'où sortent les images précieuses, limpides, parfaites, que le peuple, jusqu'aux portefaix et aux gamins de la rue, acclamera et comprendra. Agitations politiques sans fin, conspirations infatigables, menaces ou entreprises de guerre, rien de cela n'influe sur les œuvres, ni laisse la moindre trace. C'est à croire, s'il n'y avait pas de sang répandu, que la guerre, les conspirations, les coups de poignard et les pendaisons ne sont que des comédies, des intermèdes pour se délasser les nerfs d'un trop intense rêve de beauté et trop continu. Mais les guerres elles-mêmes, les historiens de Florence, Gobineau et Perens entre autres, n'ont-ils pas démontré qu'elles sont plus comiques que réellement tragiques, et que les terribles condottieri qui se feront élever de grandioses et féroces statues sont gens d'une grande prudence et des stratégistes remarquables dans l'art de faire prisonniers les bagages de l'adversaire. Expéditions belliqueuses où ne sont sacrifiés que pour quelques poignées de mercenaires, orages incessants dans la ville, mais ne frappent que ceux qui l'ont cherché, tourmentes qui ne deviendront un désastre pour l'esprit humain et un deuil pour Florence qu'au moment où le fanatisme deviendra la forme nuisible du mysticisme. En même temps, l'or ruisselle dans les caisses, et les puissants, épris par vertu d'Horace au moins autant que par orgueil, de tout ce qui est beau, entretiennent l'activité artistique qui rend Florence un des miracles de l'histoire. Si, vis-à-vis des artistes eux-mêmes, ils se montrent aussi parcimonieux que mauvais payeurs, les artistes, absorbés par leur joie d'ouvriers et de poètes, ne s'arrêtent pas à si peu de choses. Voilà ce qui se passe, en somme, entre ces murs de proportions si hautes, de matériaux si sévères, si âpres, qui renferment eux-mêmes un luxe si délicat qu'il exclut l'idée de luxe. L'on comprend que Dante ait été le poète par excellence d'une ville qui est à la fois un paradis, un purgatoire et un enfer, dont la triple raison d'être est de se résoudre en belles histoires, en rythmes purs et en radieuses images. Botticelli résume Florence. Le secret et l'enchantement de Florence, c'est de pouvoir faire surgir des lignes rigides jusqu'à l'austérité, jusqu'à la rudesse, au milieu d'une amabilité, d'une souplesse caressante qui s'arrête où commencerait la langueur. Puis, sur ces assises puissantes, entre ces murs abrupts, dans ces édifices sourcilleux, de couver l'éclosion de toutes les grâces, de toutes les délicatesses, sans contradiction pour cela, puisque ces charmes se pourront concilier avec ceux de la simplicité, de la fierté, de la mesure. Harmonie, mais non pas contraste, une intensité de vie, abondante, fluide, vibrante comme une musique, stimulante comme un parfum, ménageant les transitions entre la plaine, terre promise où s'élève la ville, et les collines qui l'embrassent, elles-mêmes à la fois dignes et invitantes, à mi-distance du ciel des extases et de la terre des passions. Parfois, de rudes catastrophes s'empareront d'elles, qui tourneront au profit de la beauté. La peste semblait devoir y anéantir désormais toute joie, et il en acquit une retraite de contes, de poèmes et de chansons sans pareil, et un livre qui alimentera le monde latin jusqu'au-delà de nos jours en divertissement, en humeur allègre et en ressources de comédie. La guerre sera un prétexte à célébrer les victoires et à se consoler des échecs. Que dire, enfin, les tremblements de terre eux-mêmes, les terremoti, donneront lieu à de si brillantes processions, à de si belles actions de grâce, qu'on regretterait de ne pas avoir eu peur. Botticelli est un résumé de ces frémissements sveltes, de cette pureté tourmentée, de cette netteté dans l'élégance, de ce sentiment de la ligne que le mouvement ne déplace pas, privilège que n'a pas étudié Baudelaire et qui lui aurait peut-être fait modifier sa strophe. C'est pour cela qu'il est possible de le considérer comme le Florentin par excellence. Il n'a qu'à parcourir sa ville et ses entours, depuis San Miniato jusqu'à Fiesole, pour en personnifier la vie sentimentale, plastique, la mysticité inquiète, le paganisme nerveux est toujours remontant. Au sortir des ateliers sans faste, le faste est pour l'intérieur des temples et des palais, où il apprend son métier, ou de ceux où il acquiert bientôt la maîtrise de sa nature et de son art, il n'a qu'à la traverser, cette ville, pour trouver tout sous son œil et sous sa main. Vous verrez qu'il est peu d'artistes moins nomades. Il n'éprouvera, hors d'une ou deux occasions déterminées, aucun besoin de quitter Florence. Il franchit le vieux pont, arrive sur la place de la Seigneurie, dans ce bel espace où le palazzo se dresse, morose géant de pierre, et que borde d'un côté seulement la loggia d'Orcagna, qui n'est pas encore un musée composite et un abri pour les désœuvrés, mais le lieu d'émission d'où partent les agitations de la foule à laquelle le jeune homme se mêle. Comme il est de caractère gai et facétieux, il échange des lazzi avec quelques belles filles élancées, de qui il attrapera au vol et condensera dans sa mémoire les traits et expressions avec un étrange pouvoir d'adoption personnelle. Il fera collection aussi de gamins des rues, qui, étant beaux, sans fadeur et gravement espiègles, peuvent si bien être enrôlés dans les légions tournoyantes des anges adorants, ce qui vaudra mieux que d'être les enfants de troupe fanatisés de Savonarole. Sandro passe devant la chapelle d'or San Michele, elle-même exemple des joailleries capricieuses, serties entre des lignes précises. Plus loin, à quelques pas, objet de vénération et de fierté sans limite, le baptistère, dont le carrelage a été tant de fois foulé par le pied de Dante, et la coupole a été, pour le poète, une des régions révélatrices des mystères célestes, la cathédrale terminée depuis moins de 10 ans, et la lanterne posée sur le dôme il y a 2 ans à peine, le campanile où s'élance le génie de Giotto et où celui de Donatello se blottit. Il n'y a pas si longtemps que la dernière des portes de Ghiberti a été fondue et mise en place au baptistère de San Giovanni. Soyez sûr que Sandro n'aura pas été le dernier parmi les enfants doués à étudier la composition dans chacune des scènes. Que d'autres édifices déjà séculaires il aura laissé de part et d'autre de sa route, le sombre Bargello, séjour du Podestat, Santa Croce, où les Giottistes ont rivalisé de savante et majestueuse candeur, Santa Maria Novella, où le grandiose étagement d'élus rêvé par Orcagna pour escorter et soutenir le couronnement de la Vierge, n'est pas la moins émouvante des peintures qui pourrait soutenir la comparaison avec les rêves de Dante. Mais, laissant tout cela derrière lui avant d'y repasser 100 fois, il s'acheminera vers le couvent de Saint-Marc, qu'il ne fréquentera que trop un jour, et sans doute, à certaines fêtes et certains loisirs, montera-t-il à Fiesole. Là, il aura longuement demandé aux ouvrages du frère les secrets de la couleur et même de quelques suavités que sa fièvre s'assimilera tout en leur faisant rendre d'autres tons. Nous n'avons pas accompagné le jeune peintre pour faire à peu de frais besogne de Cicérone, mais pour le suivre pendant sa formation, dans une Florence encore exempte de tout art de décadence, et pour conjecturer de combien d'éléments graves aura été nourrie sa séduction naissante. À cette ambiance de monuments et d'images, quelle ambiance s'ajoute-t-il de passion, d'idées, de mobiles ? On lisait assez couramment dans les histoires de l'Italie professées chez nous au milieu du siècle dernier que la foi et l'héroïsme étaient morts au moment dont nous venons de voir le décor, que les arts plastiques, les plus matériels de tous, oui, mais les plus vivement évocateurs, avaient remplacé tout souci de la vertu, que cette sorte de critique, restrictive de la plupart des renouvellements, se complaisait à ramener à l'état d'abstraction. Enfin, qu'il n'y avait rien de réellement grand dans la merveilleuse luxuriance qui, aujourd'hui encore, parle le plus vivement à nos rêves, et que le sentiment religieux manquait aux arts. Cette dernière parole a été textuellement écrite qui ne serait à prendre en considération que si le sentiment religieux n'avait qu'une façon de s'exprimer. Mais d'ailleurs, comment une certaine foi, que les souverains pontifes d'alors ne prêchent guère d'exemple, pourrait-elle être plus fertile en belles images, et haute et captivante, que la façon même d'en ressentir les articles ? Comment croirait-on à l'héroïsme quand on le voit monnoyé par les condottieri ? Comment même la notion de liberté pour laquelle s'agitent naïvement les passions populaires peut-elle venir troubler l'artiste dès qu'il est en présence de son œuvre ? Elle ne frappera que trop à sa porte à certaines heures. D'ailleurs, qu'est-ce qui reste dans leur création des agitations parmi lesquelles elles furent conçues ? Pendant que les Pazzi et leurs affidés se précipitaient à coups de dague sur les Médicis, Sandro esquissait tendrement la tête rêveuse de la Vierge au Magnificat, où composait l'adoration des mages, où revivait la physionomie de Cosme, et se fixaient les traits de Laurent, échappé au massacre, et ceux de Julien, qui en tombait victime. Que restait-il donc ? Tout, c'est-à-dire l'amour de la forme et la forme de l'amour. C'est ce qu'il est temps maintenant pour nous d'interroger en nous haussant à ces amours nous-mêmes.